ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'enlèvement du bébé Lindbergh. You have seen the affection of the people of France for the people of America. L'aviateur Charles Lindbergh, en juin 1927, de retour aux États-Unis après sa fameuse traversée de l'Atlantique en avion. Si le nom de Charles Lindbergh est d'abord et avant tout associé à cette traversée historique de l'Atlantique en avion en mai 1927, le nom de Lindbergh est aussi associé à l'un des plus célèbres crimes du début du 20e siècle, l'enlèvement et le meurtre du bébé Lindbergh en 1932. Voici exactement 30 ans, le monde entier suivait avec une attention horrifiée les développements d'un drame affreux. L'enfant de Charles Lindbergh, qui était l'idole des foules depuis sa traversée de l'Atlantique, un bébé de 20 mois, avait été enlevé dans son berceau au premier étage de la villa que ses parents habitaient à la campagne. Le kidnappeur avait en descendant cassé l'échelle dont il s'était servi. L'indice devait servir plus tard. La demande d'une rançon de 50 000 dollars appuyée sur l'envoi de pièces d'habillement du bébé fut discutée par un étrange personnage, le docteur Condom, qui devait plus tard assurer reconnaître la voix de son correspondant anonyme. Puis, on retrouva le bébé, mais mort. Il avait dû tomber quand l'échelle s'était rompue. Plus tard, un billet de la rançon remis à un poste d'essence mit la police sur la trace d'un certain Richard Hauptmann, charpentier en perpétuel chômage, qu'on arrêta. La maison qu'il habitait fut soumise à une perquisition minutieuse et le garage qui lui servait d'atelier complètement disséqué. On y retrouva dans un bidon une partie de la rançon. Les numéros des billets correspondaient à la liste établie par la banque au moment de leur remise au kidnappeur. Hauptmann allait-il avouer ? Non. Mais les indices semblaient convaincants. Hauptmann fut condamné à mort. Extrait d'un film des actualités françaises qui est présenté en mars 1962 à l'occasion du 30e anniversaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Pour nous raconter cette célèbre affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh, on trouve notre collaboratrice Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ce qui rend célèbre Charles Lindbergh, c'est cette traversée, cette fameuse traversée de l'Atlantique en avion, une première en 1927. Il devient, à la suite de cet exploit-là, Karine Prémont, un héros, un véritable héros national. Ça va se gâter un peu par la suite. Il va devenir aussi très controversé plus tard, Charles Lindbergh. Peut-être commencer par nous rappeler un peu à qui on a affaire. Charles Lindbergh, effectivement, c'est un passionné de mécanique. C'est un passionné d'avion. C'est un pilote qui va travailler pour la poste américaine notamment et ensuite pour l'armée, comme c'est souvent le cas pour les pilotes, évidemment, à cette période-là. Et vous l'avez dit, il va devenir un héros national, mais il va devenir aussi un héros européen parce qu'il va effectuer cette première traversée transatlantique en solo de New York à Paris. D'autres avant lui avaient réussi une traversée semblable, mais s'étaient posés en Irlande. Alors là, on était vraiment là dans la très longue traversée, un vol de 33 heures. En solo. Sur le continent. Il arrive d'un continent à l'autre sans escale et c'est tout un exploit. Donc, il aura des récompenses parce qu'il y avait des récompenses monétaires pour la première personne qui réussirait cet exploit-là. Il va obtenir cette récompense-là. Et justement, ça va devenir un personnage de la culture américaine, de la mythologie américaine. Un pionnier, un explorateur, quelqu'un à qui on va se référer ensuite pour tout ce qui concerne l'aviation. Mais vous l'avez dit, c'est aussi un personnage controversé parce qu'à cette époque-là, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui se dessine, qui se trame et Charles Lindbergh va avoir des opinions bien tranchées sur cette question-là. Dans les premières années avant l'entrée en guerre des États-Unis, Charles Lindbergh va être surtout non-interventionniste. Il va d'ailleurs écrire au gouvernement britannique pour le mettre en garde contre une éventuelle riposte aux attaques allemandes en disant que ce serait un désastre, ça aura des conséquences très graves. Une fois la guerre enclenchée, bien évidemment, il sera à ce moment-là porte-parole d'un groupe qui s'appelle America First et qui va tenter de militer pour empêcher l'entrée en guerre des États-Unis, mais surtout pour empêcher les États-Unis d'aider la Grande-Bretagne à lutter contre l'Allemagne. Il va tenir ensuite des propos plutôt antisémites, plutôt controversés, notamment quand il va demander aux États-Unis de signer un pacte de neutralité avec l'Allemagne pour commencer. Le président Roosevelt va fortement le critiquer publiquement, d'ailleurs, pour ça, en lui disant que ça aurait des conséquences dramatiques. Mais surtout, Charles Lindbergh va déterminer, en fait, que pour l'Europe, ce qui est le plus important, c'est pas tant de protéger la démocratie que la pureté raciale, autrement dit, de ce continent européen. Alors, on voit déjà là, quel genre de personne c'est. Il va soutenir aussi publiquement, à différentes occasions, que ce sont essentiellement les Juifs et Roosevelt et les Britanniques qui veulent pousser les États-Unis à entrer en guerre. Ouais. Donc, on comprend tout de suite là où il se situe en termes idéologiques et pourquoi c'est à la fois un héros et quelqu'un là, dont on ne sait pas trop... qui dérange. Qui dérange, effectivement. Il fera quelques missions de combat toutefois pendant la guerre là, pour les États-Unis, notamment dans la région du Pacifique. Mais disons que sa position est très claire à cet égard-là. On ne doit pas se mêler de ce qui se passe en Europe. Alors, venons-en à l'affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Il a quelques enfants, d'ailleurs, Charles Lindbergh. Dans quelles circonstances est enlevé le bébé Lindbergh? Bien, tout simplement, le bébé est couché dans son lit comme à tous les soirs, le soir du 1er mars 1932. Il a 20 mois. C'est un tout petit enfant et on va constater à 22 heures, c'est sa gouvernante qui va constater en fait que le bébé n'est plus dans son lit. Alors une fois on l'imagine virer la maison à l'envers, comme on dit, pour essayer de retrouver cet enfant, on se rend compte qu'il a probablement été enlevé parce qu'il y a quelques indices, pas des indices très probants, mais quelques indices, notamment une échelle dont on a parlé dans le reportage tantôt, quelques traces de pas, une demande de rançon bourrée de fautes qui demande 50 000 $ pour l'échange du bébé. Et alors, évidemment, une enquête extraordinaire va se mettre en place à ce moment-là, qui va impliquer là, les enquêteurs les plus réputés de l'époque, notamment, évidemment, dans un premier temps, le chef de police local, John O'Ryan, qui au début, essaie de gérer tant bien que mal cette situation, parce qu'on imagine bien l'impact que ça a sur la population américaine. C'est un héros national, évidemment, là, qui vient de perdre son fils. Voilà. Ouais. Alors, on peut imaginer le branle-bas de combat. Mais il y a aussi le chef de la police du New Jersey, parce que ça se passe dans la ville de Hopewell, au New Jersey. Donc, le chef de la police du New Jersey, Norman Schwarzkopf, qui est par ailleurs le père du type du même nom, qui sera le commandant des forces américaines pendant la guerre du Golfe dans les années 90. Et il y a aussi J. Edgar Hoover, qui est à ce moment-là directeur de la Division of Investigation, l'ancêtre du FBI qui n'existe pas encore. Mm-hmm. Donc, on voit qu'il y a une équipe là, qui se met en place, qui va prendre cela très au sérieux, bien évidemment. Il y a des milliers de personnes également qui vont offrir leur aide spontanément pour aider ce héros, pour aider ce pauvre Charles qui a perdu son fils. Même et Al Capone. Al Capone va dire, si vous me libérez, moi, je vais tout mettre en œuvre pour essayer de... Oui, mais lui, ce qu'il disait, c'est j'ai beaucoup de contacts dans le monde interlope et il y a quelqu'un qui sait quelque chose et je pourrais peut-être plus facilement l'apprendre que les policiers. Bon, Charles Lindbergh va demander l'aide de plusieurs mafieux, mais semble-t-il pas Al Capone. Ouais. Alors, donc, on voit là, ce que ça suscite. Il y a des offres de récompenses très importantes également. Le New Jersey va offrir 25 000 $ de récompenses. Les Lindbergh vont ajouter 50 000 $. On se rappelle qu'on est en plein dans la Grande Dépression. Ouais. Alors, ce sont des sommes là, qui sont extrêmement importantes. Tout ça se met en branle jusqu'à temps qu'arrive, cinq jours plus tard, une deuxième demande de rançon qui demande plus d'argent, 70 000 cette fois, pour libérer ce jeune bébé. On revient quand même à l'implication de J. Edgar Hoover, le futur directeur du FBI, dans cette affaire-là, parce que son rôle va être important et parce qu'il va utiliser, au fond, cette affaire Lindbergh pour essayer d'aller chercher, puis il va l'obtenir d'ailleurs, d'aller chercher plus de pouvoir pour sa future police fédérale. On écoute à ce propos, vous allez voir, c'est succulent, mais quand il y a autant de policiers, autant de paliers, hein, ce que vous nous décriviez, là, ça complique les affaires. Évidemment, c'est des gardes de chapelles, de clochers. Mm-hmm. Tout le monde protège son territoire. Voici un petit extrait. Vous allez voir Hoover, avec tout ce que ça veut dire de personnalité. Petit extrait du film J. Edgar, réalisé par Clint Eastwood en 2011. Il est notre brave Hoover sur le terrain. Ne piétinez pas la terre! Vous marchez sur les indices, écartez-vous! Tout de suite! Il n'y avait rien. On a vérifié, pas d'empreinte exploitable. Il semble qu'il ait enveloppé ses chaussures de tissu. Mais vous ne pensez pas que la taille des empreintes pouvait être importante ? Il est monté comment ? Il y a des marques sur les fenêtres, sur les murs ? Il y avait une échelle, on l'a trouvée à 100 mètres, en trois morceaux. On l'a mise à l'intérieur. Vous l'avez bougée? Oui, pour la mettre sous bonne garde. Eh bien, félicitations, monsieur Schwarzkopf. Vous avez totalement contaminé la scène de crime. Je vous suggère de prendre vos clics et vos claques et de débarrasser le plancher. Je peux savoir ce qui justifie votre présence ici, monsieur... J. Edgar Hoover, directeur du bureau des investigations. Nous venons sur ordre du président Hoover en personne pour nous assurer que l'enquête sera menée avec succès. Le président m'accorde plein accès à tout ce qui est documents et indices, monsieur Hoover, monsieur. Vous êtes libre d'observer, mais le New Jersey n'est pas du ressort du président. Quel rôle va jouer Edgar Hoover dans cette enquête sur l'enlèvement du bébé Lindbergh, Karine Prémont? Puis de quelle manière il va utiliser, au fond, cette enquête pour ses propres fins? Ben, c'est exactement le rôle qu'il joue, c'est-à-dire utiliser cette enquête à ses propres fins, mais aussi aux fins de son métier, de son travail, de la division pour laquelle il travaille, parce que c'est une enquête, Hoover le sait très bien, c'est une enquête qui est importante, sur laquelle tous les regards sont tournés. Alors, c'est une très bonne occasion pour lui de se faire connaître par le grand public, de démontrer ses compétences, son sérieux, sa rigueur. Et c'est aussi l'époque où il tente de donner ses lettres de noblesse au travail d'enquêteur. Mm-hmm. Il y a de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies qui sont désormais disponibles pour les forces de l'ordre. Notamment, on parlait d'empreintes digitales dans l'extrait, mais aussi toutes les traces de boue qu'on peut retrouver. Justement, on essaie de calculer un peu les gestes des criminels. Et Hoover, ce qu'il veut vraiment, c'est de démontrer le sérieux d'une enquête policière, de dire c'est scientifique tout ça, on a maintenant des moyens. Maintenant, si n'importe qui peut entrer, contaminer la scène de crime, ben ça sert à rien de continuer à travailler. Que ça se fasse avec rigueur, le travail se fasse exactement avec rigueur. Et c'est pour ça, il dit, moi j'ai besoin de démontrer le sérieux de tout ça, la rigueur de tout ça, pour obtenir encore plus de moyens pour, encore une fois, attraper les criminels plus rapidement. Et c'est ce qu'il va obtenir, en fait, parce qu'il va obtenir ces moyens-là dont on parle pour pousser davantage les enquêtes. Et d'ailleurs, le crime de kidnapping va devenir un crime fédéral à partir de ce moment-là, donc du ressort du futur FBI qui se constituera quelques années plus tard. Et ça, il va même, Edgar Hoover, se rendre devant le Congrès pour obtenir que ce crime de kidnapping soit un crime fédéral. Tout à fait, parce qu'il dit, étant donné la nature de ce crime-là, étant donné les précédents de l'affaire Lindbergh, étant donné toutes les forces dont on a besoin pour ratisser le territoire le plus largement possible, bien, il faut que ce soit le fédéral, il faut que ce soit justement unifié pour éviter ces paliers dont vous parliez précédemment. Il y a deux demandes de rançon, on l'a dit il y a quelques minutes, qui seront faites dans cette affaire-là, à la suite de l'enlèvement. La première le jour même de l'enlèvement, le 1er mars 1932. L'autre, quelques jours plus tard, le 6 mars 1932. À la suite de cette deuxième demande de rançon à Karine Prémont, entre en scène un personnage fascinant, mystérieux à certains égards, mais qui va être important dans la suite des choses. Il s'appelle John Condon. Qui est-il? Quel rôle jouera-t-il dans la suite de l'enquête? John Condon est un professeur à la retraite qui s'intéresse aux affaires criminelles comme beaucoup de gens, en fait. Et on voit souvent ce genre de personnage-là dans les grandes enquêtes criminelles, des gens un peu à l'écart, là, qui décident par eux-mêmes de faire enquête ou de s'intéresser à différents éléments d'un crime. Et donc, John Condon va faire passer un message dans le journal local pour offrir une récompense de 1 000 $ à quiconque a des informations sur l'enlèvement du bébé de Charles Lindbergh. Et il sera rapidement contacté par ce qu'il affirme être le kidnappeur lui-même. Il va donc entrer en communication avec la police, lui dire, écoutez, j'ai des contacts avec quelqu'un qui se présente comme étant le kidnappeur. Et donc, la police va le choisir comme intermédiaire pour négocier avec cette personne-là le retour du bébé Lindbergh. Quelques jours après ce contact avec le kidnappeur, Condon va recevoir par la poste le pyjama du bébé, ce qui donne beaucoup de crédibilité alors à son contact. Et c'est comme ça que sera mis en place l'échange formel qui aura lieu le 2 avril dans un cimetière de Brooklyn. Échange d'argent, essentiellement. De l'argent un peu spécial. C'est une monnaie particulière qui a un sceau doré et qui est une série plutôt limitée de billets. Donc, c'est ce que le kidnappeur a demandé et c'est ce qu'on va lui offrir en échange du bébé. Donc, dans le cimetière, j'ai dit de Brooklyn, c'est un cimetière du Bronx, désolé. Ouais. Et donc, l'échange va se faire là. Condon va dire, bien, il y a une seule personne qui s'est présentée, je ne l'ai pas bien vue. Il dit toutefois qu'il fait partie d'un groupe plus large, de 6 personnes, 3 hommes, 3 femmes, des Scandinaves. Ça semble un peu étrange, mais c'est comme ça qu'on échange l'argent. Et le kidnappeur lui dit, vous allez retrouver le bébé ensuite dans un bateau qui s'appelle le Nelly, qui sera amarré dans un endroit là, sur la côte du Massachusetts. Alors, c'est comme ça que l'échange se fait, sans réelle garantie, en fait, subséquentes. Et évidemment, quand on est allé pour récupérer le bébé dans le bateau, eh bien, nulle trace du bateau et nulle trace, évidemment, du bébé en question. Ouais. Et de fait, on va, un peu plus tard, on va retrouver le bébé Lindbergh le 12 mai, en fait. On retrouve son corps. On retrouve son corps le 12 mai dans un fossé à quelques kilomètres de la maison. Donc, on n'est vraiment pas très loin. Il a le crâne fracassé, évidemment, et on l'a entendu dans les différents extraits. La théorie principale, c'est qu'il serait tombé de l'échelle au moment de son enlèvement. Il serait mort dès ce moment-là. C'est comme ça, en fait, qu'on apprend ce qui se passe avec le bébé. Et l'enquête, évidemment, se poursuit de plus belle. À partir du moment où on retrouve le bébé mort, ça s'est jamais arrêté, l'enquête, mais j'allais dire, ça la relance. En tout cas, on met encore plus d'efforts. Qui sont, à ce moment-là, Karine Prémont, qui sont les principaux suspects dans cette affaire? Bien, essentiellement, les personnes qui sont dans l'entourage des Lindbergh, parce qu'on se dit, bien, pour accéder si facilement à la chambre du bébé, pour partir comme ça, sans laisser de traces, il faut que ça vienne de l'intérieur d'une certaine façon. On va d'ailleurs soupçonner les Lindbergh eux-mêmes à un certain moment d'avoir orchestré tout ça. Et on va soupçonner de façon plus sérieuse une femme de ménage de la famille qui s'appelle Violette Sharp et qui finira par ailleurs par se suicider en raison des pressions de la police. Il a été établi par la suite qu'elle n'avait rien à voir avec cet enlèvement. Mais on peut imaginer la pression de la police pour trouver un suspect, la pression de l'opinion publique également pour soulager ce héros national qui est Charles Lindbergh. C'est comme ça qu'au départ, les soupçons s'établissent d'abord dans la maison et ensuite on va élargir un peu. D'ailleurs, John Condon aussi sera lui-même suspecté. Oui. On trouve que son implication est un peu étrange, mais lui aussi sera lavé de tout soupçon. Il y a un suspect qui sera finalement arrêté le 19 septembre 1932. Il s'agit de Bruno Richard Hauptmann, qui va d'ailleurs être plus tard reconnu coupable de ce crime. Qui est cet homme et comment, surtout, on réussit à remonter jusqu'à lui, Karine? Bruno Hauptmann, c'est un menuisier d'origine allemande. C'est quelqu'un qui est arrivé sur le territoire des États-Unis de façon clandestine. C'était en réalité un ancien détenu en probation en Allemagne qui s'est enfui. Donc déjà, le personnage n'est pas au-dessus de tout soupçon. Alors on comprendra que très rapidement, l'enquête va chercher à établir sa culpabilité. Et on remonte à lui, on remonte jusqu'à lui en raison justement des billets particuliers qui ont été offerts en rançon. Trois jours seulement après l'échange de l'argent, on commence à retrouver ce type de billets dans la grande région de New York. Évidemment, leur numéro de série avait été marqué. On pouvait retrouver la trace parce que c'était des billets qui circulaient par ailleurs le plus largement. On avait distribué la liste de ces numéros de série-là à tous les marchands de l'État de New York, mais on comprend qu'à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas aussi rapides. Alors, quand un marchand téléphonait, ça prenait quelques jours avant que les policiers arrivent. Et là, c'était extrêmement difficile de retrouver les personnes qui avaient échangé cette monnaie. On a retrouvé d'autres billets à Chicago, à Minneapolis. Un événement un peu particulier s'est produit un peu plus tard, c'est-à-dire que le président Roosevelt avait dit que cette monnaie-là devait cesser de circuler, avait demandé aux gens de retourner cette monnaie-là en échange de billets de banque réguliers, merci. Et les gens avaient jusqu'au 1er mai 1933 pour faire cet échange-là. Et quelques jours avant la date limite, un homme disant s'appeler J.J. Faulkner se présente à la Banque centrale de Manhattan avec presque 3 000 $ de cette monnaie, demande de les échanger. Et finalement, quand la police est au courant de ça, se rend à l'appartement qui avait été donné comme adresse par Faulkner et on se rend compte qu'évidemment, personne de ce nom n'habite cet appartement. Donc, on a déjà l'impression là, de se rapprocher un peu. On suit la trace de l'argent, tout simplement, parce que c'est une monnaie particulière. Et on se rend compte aussi qu'il y a un certain modèle de distribution de l'argent. Tout au long de la ligne de métro de Lexington Avenue à New York, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé à ces endroits-là. Et on va retrouver Hauptmann, donc, parce qu'il va utiliser lui-même de cette série particulière de billets. Oui, dans une station de service, à peu près 2 ans après la découverte du corps du bébé, Hauptmann se présente à une station d'essence, présente un billet de ce type d'une valeur de 10 $ pour payer son essence et le gérant le trouve déjà un peu louche pour toutes sortes de raisons. Il parle un peu de cette monnaie particulière et c'est là qu'Hauptmann dit « j'en ai encore plusieurs centaines à écouler ». Et c'est à ce moment que le gérant de la station de service va appeler la police. Il a pris en note le numéro d'immatriculation de la voiture, le numéro de la plaque d'immatriculation et c'est ainsi que la police, quelques jours plus tard, va réussir à mettre la main sur Bruno Hauptmann. Quand on l'arrête chez lui, il a en sa possession encore 14 000 $ de cette monnaie qui appartient à la rançon. Clairement, là, on est capable d'établir ce lien-là. Il en avait sur lui également au moment de son arrestation. Pourtant, c'est un type qui avait cessé de travailler en 1932, qui faisait des achats plutôt luxueux pour l'époque. Encore une fois, je rappelle qu'on est en période de dépression. Il va trouver toutes sortes de justificatifs pour expliquer qu'il soit en possession de ce genre de billets-là, notamment qu'il a gagné de l'argent à Wall Street. Disons qu'en 1932-33, c'est assez rare que ça se produise. Il va aussi dire que cet argent lui a été donné par un ami, un ancien partenaire d'affaires qui est, de façon fort pratique, décédé depuis. Alors, on va avoir de la difficulté à croire, à croire son histoire. D'autant plus qu'on va retrouver les coordonnées de John Condon écrites sur le mur de sa garde-robe. Alors, à partir de ce moment-là, les indices s'accumulent contre lui. Il y aura un procès qui va être très, très médiatisé, une trentaine de jours d'audience, 32 jours, en fait, 300 journalistes, 60 000 personnes qui vont se rendre dans la petite ville de Flemington où a lieu ce procès, et puis le verdict, et puis ceci. Flash! Bruno Hauptmann! Was electrocuted at 8:47 and a half tonight. Bruno Hauptmann a été électrocuté à 8:47 et 30 secondes ce soir. Sans prononcer un mot et avec un sourire mélancolique, Bruno Richard Hauptmann, l'assassin condamné du bébé Lindbergh, est mort sur la chaise électrique devant 52 témoins. Went to his death in the electric chair in the presence of 52 witnesses. Bruno Richard Hauptmann, qui est donc exécuté le 3 avril 1936. Ce qui est particulier, Karine Prémont, c'est que jamais, jusqu'à la toute dernière minute, jamais Hauptmann n'avouera sa culpabilité dans ce crime-là. On a présenté en preuve d'autres indices essayant de démontrer hors de tout doute la culpabilité de Hauptmann, notamment des échantillons d'écriture. Mais Hauptmann va toujours dire « J'ai été battu en prison, j'ai été forcé de modifier mon écriture pour qu'elle ressemble à celle sur la demande de rançon. » Il va même refuser de commuer sa peine en échange d'un aveu. Et c'est comme ça, en fait, qu'il acceptera d'une certaine façon la sentence de mort qui lui est imposée. Mais il clame son innocence. Sa femme va intenter des procès contre le New Jersey ensuite pour condamnation injuste qu'elle perdra par ailleurs. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes qui subsistent sur sa culpabilité ou à tout le moins une culpabilité qui pourrait être partagée parce que, d'une part, les policiers ont fait beaucoup d'erreurs pendant l'enquête. On l'a entendu dans l'extrait du film précédemment. Et surtout, les policiers ont laissé Lindbergh diriger un peu les opérations dans les premières heures, ce qui est un peu particulier, mais on l'a dit, c'est un monument à Charles Lindbergh. Alors, quand il dit « moi, je veux m'impliquer », on le laisse faire. Il y a des centaines de personnes qui sont accourues sur les lieux du crime dès son annonce. On a contaminé la scène de façon assez spectaculaire. Ce qu'on comprend également, c'est que Hauptmann n'a probablement pas agi seul. Justement, pour écouler l'argent, tout ça, c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, le gouverneur du New Jersey va demander à Schwarzkopf de continuer l'enquête pendant quelques semaines ensuite. Et ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il n'a pas eu un procès équitable, notamment en raison des nombreuses pressions qui arrivaient de toutes parts. Et du fait aussi qu'il n'était pas très bon pour se défendre et que son avocat, en fait, avait signé une entente avec un journal pour le défendre en échange de l'exclusivité de ses propos. Enfin, bref, on voit un peu le genre de cirque que ça a pu être. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.